supramental et secte, avec un point d'interrogation, les prophéties concernant 2023 et également le rhume. Ce seront les trois sujets dont il sera question dans le cadre de la capsule audio d'aujourd'hui. J'ai choisi de parler en dernier lieu du rhume, étant donné que j'ai eu le rhume dans les derniers jours, c'est-à-dire des écoulements nasales, par la suite avec des éternuements, j'ai toussé. J'ai fait, dans le fond, une période de repos. J'avais la voix changée. Par contre, j'ai pas fait de fièvre et là, après cette période de repos, j'ai décidé donc de refaire une capsule audio. Je vous parlerai un peu plus de ça donc en détail en fin d'enregistrement, mais pour débuter, donc le premier sujet que je veux traiter, c'est supramental et secte avec point d'interrogation, parce que la question se pose à savoir, est-ce que l'instruction supramentale qui a été initiée au Québec ici avec Bernard de Montréal, auteur et conférencier, est-ce que ça peut donner place à une dérive sectaire? Donc, la réponse que je donne à la question, c'est non, dans le sens que le fondement de l'instruction de Bernard de Montréal, qui a été véhiculé ici, c'est basé sur le principe de ne pas croire. L'un des éléments piliers de son instruction fondamentale, c'est le principe qu'il ne faut pas croire qu'est-ce qui est dit, que ce soit lui ou d'autres personnes qui parlent, parce que toute information qui est canalisée, bien entendu, il peut y avoir de la désinformation. D'ailleurs, il critiquait, il contestait la désinformation qui provient des plans occultes. Il contestait aussi le mensonge cosmique. Donc, puis il disait qu'en plus du plan astral qui peut désinformer, il y a également l'esprit qui peut nous désinformer. Donc, de la désinformation à différents niveaux. Donc, c'est sûr que si le fondement d'une instruction qui est véhiculée s'appuie sur le principe qu'il ne faut pas croire, à ce moment-là, j'envisage difficilement la possibilité qu'il y ait une dérive sectaire qui s'appuie sur le principe de la croyance. Donc, c'est sûr que ça deviendrait paradoxal que des gens croient quelqu'un qui met l'emphase sur le principe qu'il ne faut pas croire en général les gens qui parlent de sujets à caractère occulte, donc lui-même. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'intégration de l'instruction ou de sa compréhension pour en venir à un tel point. Donc, pour moi, la possibilité qu'il y ait une dérive sectaire qui pourrait donner place des gens là, qui s'embrigadent sur le plan psychologique dans des croyances par rapport au supramental. Si les gens ont vraiment intégré la nature de l'instruction, c'est impossible. C'est impossible quand on regarde par rapport au fondement. Mais bien entendu, il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent et tout peut être interprété par des gens. Et ce que j'observe, c'est que, bon, à mesure que l'instruction supramentale est diffusé sur les réseaux sociaux, sur le web, naturellement, et on pouvait s'y attendre, ça fait pas l'affaire de certaines personnes. C'est sûr que si la personne est une fanatique religieuse, radicale, catholique, puis là, elle entend parler d'une instruction supramentale qui appartient pas à son corps de référence, c'est sûr qu'elle peut y voir une menace, surtout si une partie de son auditoire qui délaisse ce qu'elle véhicule pour aller étudier l'instruction supramentale. Donc, et il peut y avoir d'autres variables aussi, la peur de l'inconnu, et ainsi de suite. Mais le point, c'est que la mesure que c'est connu, l'instruction supramentale est véhiculée, la possibilité que ça devienne de plus en plus attaqué ou discrédité, c'est sûr que c'est possible. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire, il y a une religion qui se fait là, supramentale, un culte de la personne à travers Bernard de Montréal. Or, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de comportements qui peuvent arriver naturellement. Mais de ce que j'ai compris de l'instruction par rapport à Bernard, pourquoi que je parle de lui en particulier, c'est parce que ça a été l'individu qui a initié le mouvement ici au Québec. Ensuite, il y a eu Daniel Kemp, il y a eu Marc de la Salle, il y a eu Daniel Ménard, il y a eu plein d'autres personnes. C'est l'individu qui a amené ça, mais dans les principes qu'il a descendus à travers son instruction, ça a été, comme je le disais tantôt, de ne pas croire. Donc, à ce moment-là, de ne pas croire ce que ça fait, quelqu'un qui intègre le principe, ben ça empêche justement la dérive sectaire ou religieuse, puis en faire un culte par rapport à sa personne, parce que ça amène l'individu à exercer son esprit critique et demeurer lucide. Donc, tout ça pour dire, par rapport à qu'est-ce qui va arriver de l'instruction supramentale dans les prochaines années, les prochains mois, ben, c'est sûr que, vibratoirement parlant, il y a des gens que ça ne fait pas leur affaire. Puis bon, il y a des gens que ça les intéresse pas. Et c'est correct, c'est pas tout le monde qui est concerné par l'instruction supramentale, naturellement. Il y a des gens qui sont en réaction avec ça. Il y a eu plusieurs vidéos là, de gens qui cherchent à discréditer soit Bernard ou son instruction. Parce qu'il y a une certaine popularité. Donc, il y a peut-être des gens qui sont jaloux de cette popularité grandissante. Mais, dans le fond, pour éviter toute forme de dérive sectaire ou de culte à la personne ou de religion, ben, c'est sûr que la chose la plus saine à faire, ben, c'est de ne pas croire qu'est-ce qui est dit, autant par le détracteur, autant par l'individu qui va émettre certaines idées à caractère occulte, mais de vérifier par vous-même qu'est-ce qui est réel. Et moi, dans l'esprit de ma démarche que je fais depuis plusieurs années à travers mes vidéos, à plusieurs reprises, j'ai véhiculé l'idée que c'est important de ne pas croire puis de vérifier par vous-même qu'est-ce qui est réel, de parce que par rapport à qu'est-ce que je dis, pour, dans le fond, de vous ramener, c'est-à-dire au cœur de votre capacité en tant qu'individu de savoir par vous-même. Donc, je peux dire des choses, mais vous regardez si vous entrez en vibration par rapport à ça ou non, tout simplement. Et c'est ce qui permet, à ce moment-là, d'éviter qu'il y ait un culte qui se fasse en lien avec mes enregistrements ou d'autres enregistrements. Si la personne est capable de faire preuve d'esprit critique, c'est la base par rapport à tout ça. Donc, tout ça pour dire que la personne qui, dans le fond, cherche à discréditer, que ce soit l'instruction supramentale en disant que c'est une possibilité de secte derrière ça, ou que c'est satanique, les individus qui véhiculent, ben, c'est tout le temps de regarder la vibration qui est derrière ça. Mais il peut y avoir des paradoxes aussi, c'est-à-dire que l'individu, sous l'influence d'un embrigadement religieux avec des formes très lourdes et dans le fond, imprégné d'une forme de haute spiritualité, il peut, sans s'en rendre compte, véhiculer une vibration satanique puis accuser d'autres formes ou ce qu'il perçoit comme étant des éléments à caractère satanique qui ne le sont pas, d'autres éléments qui sont véhiculés. Et c'est sûr que il y a des gens qui sont embrigadés dans des croyances religieuses puis tout ce qui ne correspond pas à leur cadre est interprété ou est perçu comme une menace, comme une forme de satanisme, d'éléments qui vont amener une perversion de l'âme. Et ça fait partie des mécanismes de défense aussi pour que la personne se préserve psychologiquement en disant, ben elle est correcte, les autres qui vont pas dans son sens ne le sont pas, pour avoir un ego qui demeure en puissance. Donc ça peut être un mécanisme d'adaptation psychologique. Par rapport à les menaces à l'instruction supramentale, ben, il y a des gens qui vont chercher à dire, ah ben, ce qui est derrière le supramental, c'est des forces sataniques, et ainsi de suite, c'est le diable, blablabla. Donc, des gens qui ont une ouverture à l'occulte, qui vont dire « Ah, c'est les méchants, mais derrière ce qui véhicule, lui, naturellement, c'est les bons. » Puis, sinon, la personne qui est fermée à l'occulte, ben, elle va dire « C'est du délire à caractère schizophrénique. » Donc, quelqu'un qui a une vision matérialiste et réductionniste de la vie et du monde, ben, elle va dire tout ce qui est la notion d'entité, que ce soit l'ajusteur de pensée, l'esprit, le double, tout ça, c'est des hallucinations qu'ont certains individus, étant donné que c'est des êtres qu'on ne peut pas percevoir sur le plan physique. Donc, si on le voit pas d'une perspective matérialiste, ça n'existe pas. Et quelqu'un qui va utiliser une lecture psychiatrique de manière rigide, ben, il va dire l'un des premiers préceptes, des principes, des éléments qui servent à faire le diagnostic de la schizophrénie, c'est la notion d'entendre des voix. Donc, la minute que quelqu'un va dire, par exemple, à un psychiatre matérialiste qu'il entend des voix, ben, la base du diagnostic de la schizophrénie, c'est ça. Donc, entendre des voix d'une perspective psychiatrique matérialiste, c'est associé à un trouble psychologique de l'individu parce que la perspective que la voix ou les voix que la personne dit entendre est une réalité n'est pas envisageable car d'une perspective matérialiste, comme mentionné, ben, tout ce qui est paranormal, que ce soit l'esprit, le double, ce que certains vont appeler les entités, les êtres morts anciens, ainsi de suite, tout ça, c'est interprété comme étant du délire hallucinatoire. Donc, à ce moment-là, ben, il y a une fermeture, puis le cadre de référence fait que comme c'est interprété comme n'étant pas réel, ça doit être nécessairement du délire. Donc, moi, la façon que je vois ça pour les prochaines années, ben, ça se peut que des individus qui vont attaquer le supramental en disant « Oui, ça fait référence à des réalités occultes, mais ils sont mauvaises. » Ou tout simplement dire que les réalités occultes auxquelles l'instruction fait allusion n'existent pas, tout simplement. Donc, c'est ce que j'ai l'impression qui risque d'arriver en termes d'attaque. Est-ce que la perspective qu'il y a des attaques grandissantes par rapport à l'instruction supramentale va m'empêcher de l'étudier dans les prochaines années? Pas du tout. Et peu importe qu'est-ce qui est amené dans une civilisation, toute idée nouvelle va être contestée. Et c'est sûr que l'élément nouveau qui est amené ne fera pas l'affaire de certaines personnes qui sont attachées à l'ancien. Donc, il y a naturellement un espèce de rapport de pouvoir qui va se présenter par rapport à des gens qui sont pas nécessairement ouverts aux idées nouvelles. Donc, il y a des gens qui veulent en amener, puis il y en a d'autres qui veulent que les choses restent telles quelles et ça fait partie de la vie. Moi, en tant qu'individu, je ne suis pas intéressé à convaincre personne, je ne suis pas intéressé avoir des disciples et je ne suis pas intéressé non plus à avoir un culte. En fait, l'essentiel de mes enregistrements, c'est une démarche individualisée. Et c'est sûr que s'il y a des gens qui disent que le supramental peut donner place à des sectes ou à des religions, alors que le fondement de l'instruction supramentale, c'est en vertu d'une intégration individuelle et non pas collective, ben là, Je vois mal comment que ça peut déboucher sur quelque chose de collectif, quoique tout peut être récupéré, dans le sens que la religion catholique qui s'appuyait sur le principe qui a été amené par Jésus, « Aimez-vous les uns les autres », bon, ben, a donné place à l'Inquisition, où des gens ont commis, pendant la période du Moyen-Âge, des massacres, ont commis à travers l'Inquisition, des actes abominables. Il y a des gens qui ont été brûlés sur les bûchers de l'Inquisition. Donc, des individus qu'on les fait brûler, qui ont été torturés. Donc, tout est possible, naturellement. Et c'est sûr que oui, il peut y avoir des gens qui récupèrent le supramental à des fins de créer une secte, mais je considère que ces gens-là, advenant le cas, n'auront pas fait une intégration réelle d'un des principes fondamentaux comme mentionné précédemment, l'effet qu'il faut pas croire. Voilà ce que je voulais dire. Concernant les prophéties à l'égard de l'année 2023, j'écoutais là, il y a quelques instants un enregistrement qu'a fait Richard Glenn par rapport à son émission Ésotérisme expérimental. Donc, je mettrai le lien web là, en bas de l'enregistrement présent où il était question qu'il quitte sa résidence au Mont Saint-Hilaire. Et là, il parle que d'ici... En fait, il parle de la date du 24 février 2023 où il est censé se produire quelque chose d'important. Puis là, il était question là, à travers son propos que, dans le fond, il sous-entendait qu'il y a alors quelque chose de très grave là, qui se prépare pour bientôt. Ben, moi, j'ai écouté l'enregistrement. Et on verra bien. C'est sûr que là, il disait que le 24 février 2022, qui est un an avant la date qu'annonce depuis longtemps, là, cet ésotériste, donc ça fait un peu plus de 40 ans qu'il annonce la date de fin février 2023. Puis là, il mentionnait que le 24 février 2022, donc un an jour pour jour avant la date annoncée, ça a été celle de la déclenchement de ce que les Russes appellent l'opération militaire spéciale en Ukraine et ce que les Occidentaux appellent la guerre de la Russie qui envahit l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, ben, c'est sûr que la guerre, si elle continue, puis là, on fait planer depuis plusieurs jours la menace de l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est possible que dans les prochains mois, en effet, la situation se dégrade. C'est un scénario auquel je ne suis pas fermé totalement. Ce qui est particulier, c'est que plusieurs années, Bernard de Montréal avait déjà dit que s'il y aurait une conflagration nucléaire qui mettrait en danger la civilisation, il y aurait la possibilité qu'il y ait un déploiement du phénomène extraterrestre. Et c'est sûr que advenant qu'un an jour pour jour après le début de la guerre de Poutine, il y a l'utilisation de l'arme nucléaire par Poutine, advenant qu'il voudrait monter en intensité. Ben, moi, ça me fait pas peur dans le sens que probablement que les extraterrestres, si ça pourrait donner place à une guerre thermonucléaire opposant les États-Unis et la Russie, c'est sûr qu'il pourrait avoir la manifestation d'être extraterrestre et d'OVNI. D'ailleurs, pour les gens qui étudient l'ufologie, bien, il y a de nombreux cas d'observation d'ovnis qui ont été faits par rapport à des centrales nucléaires ou l'utilisation du nucléaire. Là, c'est sûr, si on pense entre autres aux témoignages de généraux américains qui avaient déclaré avoir vu des ovnis alors que leur silo nucléaire était devenu dysfonctionnel. Donc, la perspective qu'il y ait l'utilisation de l'arme nucléaire pour amener des destructions massives, c'est sûr, ne doit pas être écartée. Mais en même temps, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que probablement que si ça arrive, ben on aura peut-être le fameux rendez-vous auquel il parle, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être quelque chose de particulier qui va se produire, c'est-à-dire un contact avec le phénomène extraterrestre pour neutraliser les armes nucléaires, comme il l'avait déjà fait dans le passé avec des silos nucléaires aux États-Unis. C'est une hypothèse. Bon. Est-ce que je vois là de la pertinence pour déserter les grandes villes, les grands centres, ou s'éloigner de la périphérie de grands centres? Parce que c'est au Mont-Saint-Hilaire qui est en banlieue de Montréal. C'est une bonne question, c'est selon chacun. Chacun a su sa vibration. Et puis, dans le fond, ce que je vois derrière les prophéties qui concernent 2023, Bon, premièrement, on peut dire qu'il y a quelque chose de particulier parce que au début des années 80, la question de la fin de notre civilisation à travers le feu de l'arme nucléaire, parce qu'il y avait des tensions importantes entre les États-Unis et la Russie, c'est-à-dire à l'époque le bloc de l'Est et de l'Ouest, était palpable. Il y avait eu des pays qui étaient divisés, étaient ralliés là, selon un camp ou l'autre. Et là, aujourd'hui, ben, on voit une division. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la Russie, et là, on voit que, par exemple, il y a l'Iran qui a fourni des drones à la Russie pour faire des attaques par rapport à l'Ukraine. Donc, il y a, à ce moment-là, l'Iran qui est impliqué. Puis, d'un autre côté, ben, par rapport à l'Ukraine, ben, il y a les États-Unis, il y a l'Allemagne, il y a le Canada, bon, ben, plusieurs pays qui se rapportent à l'OTAN, là, qui soutiennent l'Ukraine là, depuis plusieurs mois, donc une division. On revient à une situation internationale qui devient de plus en plus bipolaire par rapport à différents pays, soit qui sont rattachés à un camp comme l'autre, un peu comme on pouvait trouver lors de la période de la guerre froide dans les années 70-80. Et la menace de la destruction nucléaire qui avait été invoquée dans les années 80, bon, ben c'est sûr que quand il y a eu la chute du mur de Berlin dans les années 90, bon, ben le démantèlement de l'Union soviétique, ben c'était une menace qui devenait de moins en moins crédible, dans le sens que toute la Russie et les pays périphériques qui étaient joint en tant que bloc était en train d'être démantelé, perte de la puissance. Mais là, c'est une menace qui ressurgit en cet automne 2022. Là, je regardais beaucoup de bulletins de nouvelles là, en Europe. Là, il y a beaucoup de vidéos là, qui sont présentes là, sur YouTube là, par rapport à la guerre en Ukraine. Puis on met beaucoup l'emphase sur la menace de l'utilisation éventuel de l'arme nucléaire après un conflit qui dure depuis plusieurs mois. C'est sûr que c'est une possibilité à ne pas négliger. Et c'est sûr qu'on verra qu'est-ce qui va arriver, mais par rapport à la perspective d'une destruction par rapport à la guerre nucléaire de l'ensemble de l'humanité. Non, hein, je n'y crois pas. Et je suis de l'avis qu'il y a la possibilité d'intervention des ovnis proches de lieux avec des armes nucléaires ou même des extraterrestres. Mais c'est-à-dire que si l'être humain est pour utiliser l'arme nucléaire, moi, j'ai l'impression qu'on va voir une vague importante d'apparitions d'extraterrestres dans les cieux, là. Ben, d'extraterrestres, c'est-à-dire d'objets volants non identifiés qui peuvent en comporter. Ce sera sans doute la plus grande vague qu'on aura connue, là. Plus grande que la vague belge, là, dans les années 90. Ça, c'est la prophétie que je vous fais. Pourquoi? Ben, historiquement parlant, les extraterrestres, les ovnis, pardon. En fait, je devrais être encore plus rigoureux dans mon langage. La vraie expression, c'est de parler de pan. Phénomène aérien, donc non identifié. Pourquoi? Parce que OVNI sous-entend que c'est un objet volant non identifié, donc quelque chose de physique, alors qu'en tant que tel, les êtres qu'on voit dans les cieux sont pas nécessairement sur le plan physique, c'est-à-dire que ça peut être des éléments sur le plan énergétique ou qui sont rattachés à un autre niveau de réalité qui est pas nécessairement aussi dense que celle physique. On risque d'avoir... la prophétie que je fais, c'est que si on pourrait utiliser l'arme nucléaire, ben, notre civilisation qui évolue en vase clos sans un dévoilement officiel du phénomène extraterrestre va prendre fin. Pourquoi? Ben, parce qu'eux autres, ils vont se pointer pour empêcher cela d'arriver. Et là, c'est sûr que s'il y a des apparitions un peu partout, ben, les gens vont être obligés de reconnaître leur existence et ça va mener une fracturation de la psychologie de la masse par rapport aux géocentristes où les gens se croyaient être les seuls à être vivants dans le cosmos. Donc cette croyance naïve pourrait prendre fin à ce moment-là. Ça pourrait précipiter ça. Pourquoi les extraterrestres interviendraient? La raison est simple. C'est-à-dire que l'énergie nucléaire peut amener des ravages par rapport à la structure fondamentale de la réalité et ensuite le phénomène de la destruction de l'atome qui est généré par l'utilisation de bombes nucléaires va rendre le plan physique instable et ça peut porter préjudice naturellement à des êtres humains qui peuvent être détruits, mais l'instabilité de la dimension physique peuvent porter préjudice aussi à des êtres de nature n'étant pas terrestres. Dans le sens que l'être humain ne peut pas faire ce qu'il veut du cosmos puis de la structure de la réalité physique. C'est-à-dire que le principe de non-ingérence dans les affaires humaines d'une manière directe et ouverte par les extraterrestres, ça rapporte au fait qu'ils vont laisser les êtres humains s'entretuer entre eux. On a connu la première puis la deuxième guerre mondiale, puis les extraterrestres, inquiétez-vous pas, sont pas venus pour l'arrêter. Pourquoi? Ben, c'est un principe de laisser des êtres évoluer par eux-mêmes, dans le sens que quelqu'un, par exemple, si vous avez un voisin, le voisin, il peut décider de faire un feu dans sa cour. Par contre, si le feu est pour atteindre la vôtre et vous portez à vous un préjudice concret, ben à ce moment-là, vous devenez légitimé à quelque part d'intervenir et de faire ingérence. Donc, c'est le même principe qui s'applique, c'est-à-dire que l'être humain peut utiliser des fusils, des mitraillettes pour s'entretuer, mais la minute que son action peut être préjudiciable à un niveau plus élevé de réalité, ben, c'est sûr que les êtres qui sont sur ce niveau-là de réalité, à ce moment-là, deviennent légitimés d'intervenir. Et c'est sûr que si, dans le fond, l'utilisation de l'arme nucléaire amène la destruction de l'atome, qui est l'unité fondamentale de la structure sur le plan physique. Puis on fait éclater ça, puis ça crée des trous. Puis ça porte préjudice à d'autres êtres. Ben eux autres, ils peuvent intervenir. C'est ça que je voulais mentionner. Sinon, par rapport aux prophéties qui concernent 2023, ben moi, j'en fais pas. Pourquoi? Ben parce que tout ça, c'est extrêmement délicat. Et la personne qui fait des annonces, ben c'est sûr qu'elle peut être contestée par rapport à ça. Et moi, dans le fond, par rapport à tout ce qui peut être dit, ben on verra. C'est sûr que là, le scénario, la façon que les choses se présentent, c'est surprenant. Parce que à mesure qu'on se rapproche de 2023 et à mesure que la tension par rapport à la possibilité d'une troisième guerre mondiale impliquant des pays d'Europe, l'utilisation de l'arme nucléaire augmente. Chose que dans les années 90, je n'aurais pas cru possible, 2000 non plus, 2010 non plus. Mais là, il y a une resurgence par rapport à ça. Mais est-ce que cette prophétie-là va se concrétiser? Notre utilisation, dans le fond, on atteindrait un point de fin de cycle bientôt. On verra. On verra qu'est-ce qui va se passer. Mais par rapport à tout ça, ce que je dirais, c'est que l'être humain, c'est pas lui qui décide qu'est-ce qui va arriver. Il peut intercepter psychiquement certaines informations en fonction de sa sensibilité. Oui, ça peut être possible. Mais dans un sens, le spectre de la menace ou de la destruction nucléaire d'un conflit majeur a cours depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs décennies que ça existe. Fait que là, c'est sûr qu'à un moment donné, la possibilité que ça se concrétise est toujours là. Fait que c'est sûr que à un moment donné, ben tôt ou tard, il peut y avoir une situation géopolitique tendue qui peut mener à la possibilité grandissante de son actualisation, là, naturellement. Là, donc, tant qu'il y a des pays qui ont en leur possession des armes nucléaires opérationnelles, ben, c'est possible qu'elles soient utilisées, là, naturellement. Et c'est sûr qu'il y a des forces qui peuvent intervenir pour essayer de retarder ce scénario-là avec des démarches de paix, des démarches diplomatiques en différents pays. Mais il y a des pays qui peuvent être fermés à ça aussi. Mais bon, c'est sûr que je ne suis pas partisan de l'utilisation de l'arme nucléaire, là. À un moment donné, les gens devront être lucides que c'est vraiment pas intelligent. De vouloir ou même de penser à utiliser ce type d'arme-là. Mais bon, chaque chose en son temps. Notre humanité a vécu certains événements. Là, on est en période d'inflation, de tensions grandissantes sur le plan économique. Et puis, par rapport à, c'est sûr, les prophéties concernant 2023, je peux écouter un enregistrement comme celui de Richard Glenn là, qu'il a fait hier, mais moi, je regarde tout le temps les choses avec ma sensibilité et tuer mon mouvement. On peut écouter d'autres prophéties aussi par rapport à la prochaine année que d'autres individus ont amené, mais l'important, c'est de tuer son mouvement individuel. Mon mouvement, dans mon cas, c'est de rester où ce que je vis. Si un jour j'ai l'intuition de déménager puis d'aller dans le nord puis aller dans une zone éloignée, très éloignée des grands centres parce que la possibilité du chaos. Dans des grandes villes, que ce soit Montréal ou dans des grands centres en Amérique du Nord, que ce soit New York, Boston, qui pourrait être le cible d'armes nucléaires. Bon, c'est quelque chose auquel il ne faut pas non plus être fermé, mais en tout cas, on verra bien là, qu'est-ce qui arrivera. Mais tout ça pour dire que dans mon cas, ma compagne est enceinte. Le scénario d'avoir un enfant, j'ai toujours la vibration d'aller dans ce sens-là. J'ai été mis en vibration pour consciemment, elle et moi, là, il y a quelques mois, avoir un enfant puis d'agir en conséquence. Alors qu'on était âgés là, de 40 ans, là, moi et elle, on a 41 ans. Puis présentement, tout se passe bien par rapport à la grossesse. On va de l'avant avec notre scénario. Chacun a vu ses scénarios, suit sa vibration, et c'est ça qui empêche de sombrer dans la croyance ou le délire sectaire par rapport à certains éléments d'information qui peuvent être présentés. Donc, c'est ça que je voulais dire. À chacun est à l'écoute de lui-même, de son intuition, du réel qu'il peut porter en lui. Comme ça, puis de ne pas croire les autres. On peut écouter ce que disent les autres, mais de vérifier par soi-même si ça implique la nature des propos, un engagement dans un sens ou dans l'autre. Et d'agir en fonction de la peur. Si si on se fait présenter une information puis ça nous amène à avoir peur, c'est pas intelligent parce que la peur n'est pas bonne conseillère. Ça a déjà été dit, là, j'invente rien. Mais avec le temps, ce que j'apprends, c'est beaucoup de choses qui ont été amenées comme information à caractère prophétique pour l'avenir, que ce soit par rapport à l'année 2000, l'année 2012, là aujourd'hui il y a 2023, puis il y aura sans doute d'autres dates dans le futur. Il y a beaucoup d'informations qui ne se sont pas nécessairement avérées. Et puis, il faut être lucide par rapport à ça. Puis qu'est-ce qui amène la lucidité? Ben, c'est la capacité sur le plan individuel de s'écouter d'abord. Et c'est sûr qu'à un moment donné, quelqu'un peut avoir l'intuition de faire une action, puis ça soit réel. Si la personne, sincèrement, est mise en vibration pour quitter sa résidence, aller à un autre endroit, ben c'est correct. Si la personne quitte son endroit parce qu'elle a écouté une information, puis ça l'amène à avoir peur, là, c'est moins ajusté. Si la personne, dans le fond, à la vibration de rester où ce qu'elle est, c'est correct aussi. Chaque personne a à vivre certaines choses. Mais cette personne à savoir par elle-même et pour elle-même qu'est-ce qu'elle a à faire ou non d'une information qui lui est présentée là, naturellement. Sinon, ben, je voulais aborder la question du rhume que j'ai eu récemment. En fait, pourquoi que je veux vous parler de ça? Parce que dans le fond, j'ai eu à réaliser à travers cette expérience-là les limites de certains comportements qu'on peut avoir. J'avais réalisé il y a quelques jours un enregistrement avec Berthold qui portait là, sur l'écologie et également les changements climatiques. Ça durait à peu près 4h30 de temps. Donc, ça a été un enregistrement très long. Puis, j'en avais fait déjà aussi des longs enregistrements avec lui. Il y en a un qui avait duré à peu près 6 heures. Et puis, ce que je peux vous expliquer par rapport à ce type d'enregistrement-là, la façon que je vis ça, c'est que, bon, je m'étais préparé là, sur papier des questions, mais il y a aussi un état de transe qui m'amène à poser des questions que je vais vivre à travers ce type d'enregistrement qui fait que je peux parler longtemps. Donc, et je perds, quand que je fais cet enregistrement-là, le contact avec momentanément avec l'envie, par exemple, de boire, de manger, mon état de fatigue. Donc, quand que je fais un enregistrement qui m'amène à parler en extériorisant ma sensibilité, ou que, que je sens que la vibration s'installe, automatiquement, habituellement, je vais vivre un état de transe, sauf que la problématique par rapport à ça, c'est que sur le coup, durant l'enregistrement, je perds mes perceptions sensorielles, un peu comme un chaman qui vit un état de transe. Donc, la personne qui est chaman, qui vit un état de transe, la personne peut être exposée à une température très froide, sa perception du froid va être altérée, mais ça ne fait pas en sorte que les impacts liés à ça sont annulés, dans le sens que dans un état de transe, la notion de fatigue, je ne l'aperçois plus naturellement. Par contre, ça ne m'empêche pas d'être fatigué là, naturellement là, par la suite. Ça annule pas, ça ne fait pas disparaître la fatigue. Donc, c'est sûr que j'ai à réaliser avec le temps que je vais devoir être plus modéré. C'est-à-dire faire des enregistrements qui durent moins longtemps. Mais des tas de trans que je peux expérimenter avec Berthold ou d'autres interlocuteurs avec lesquels on peut parler, puis une vibration s'installe est très particulier. Et ça m'a permis de mieux comprendre, parce que j'avais déjà interviewé sur ma chaîne YouTube Jean-Luc, qui avait reçu chez lui, donc alors qu'il était, il doit être probablement encore en France, Bernard de Montréal, qui l'hébergeait, et il était question qu'il pouvait parler avec Bernard pendant plusieurs heures. Lorsque la vibration s'installait, il pouvait commencer au début d'une soirée jusqu'aux petites heures du matin, c'est ce qu'il me racontait en entrevue. Et c'est ce type d'état où la vibration s'installe, où on perd la notion du temps et de l'espace, ben c'est un état particulier, parce que là, il racontait qu'il était obligé de dire à Berthold d'aller aux toilettes à chaque jour. Et pourquoi? Ben parce que quand on est dans un état de transe, on peut perdre la perception du signal de la faim, mais aussi de l'envie d'aller uriner ou déféquer. C'est à ce point-là. Donc, quelques jours, j'ai vécu un état de transe relatif à l'enregistrement. Une fois l'enregistrement complété, naturellement, je n'étais pas capable de dormir parce que j'étais trop énergisé par rapport à la vibration. Sauf que par rapport à cet état-là, ben, naturellement, il y a un coût à payer parce que si je fais de l'insomnie dans les heures qui suivent et je n'ai pas un sommeil réparateur et une pleine nuit de sommeil, ben, c'est sûr que, et je me couche tard, c'est sûr que par la suite, ce qui va arriver, ben, c'est que je suis plus fatigué, ce qui fait en sorte que je deviens le terrain plus propice à attraper, entre autres, un rhume ou d'autres infections. Pourquoi? Parce que si je suis fatigué, ben, mon système immunitaire risque d'être plus faible là, naturellement. Ce qui fait en sorte que à l'avenir, je vais essayer d'être discipliné, c'est-à-dire limiter L'enregistrement, là, pour que ça dure 4h30 de temps, là, donc peut-être limiter ça à un maximum de 2h30 de temps. Je pourrais en reparler avec Bertha, là, pour nos prochains enregistrements. Mais aussi, ce qu'il faut dire, parce que je connais, ça c'est un aspect que je voulais vous parler, c'est que j'ai connu des gens qui ont vécu un état d'altérée conscience lié à la perception de la vibration. Un état de transe carrément associé à ça. Et ces gens-là, je pense entre autres à certaines personnes qui ont écrit des livres, hein, une en particulier. Bon, ben, la personne consacrait beaucoup d'énergie par rapport à véhiculer de l'instruction. Or, elle n'était pas supportée financièrement par rapport à ça. C'était pas rentable comme activité. Elle écrit plein de livres qui se sont pas vendus. Donc, à un moment donné aussi, d'utiliser un état de transe pour véhiculer du matériel par rapport au public en grande quantité, ça a ses limites aussi. C'est pas nécessairement apprécié du public. On l'a vu par rapport à des gens qui vont contester ou même faire de la diffamation par rapport à l'instruction supramentale ou des idées qui sont plus originales ou marginales. Et puis, en même temps, ben, il y a tout le temps la question d'optimisation de l'utilisation de son énergie. Donc, oui, d'être dans un état de transe puis parler, ça crée une forme de boost énergétique où la personne sort du mental réflectif. Et c'est sûr, ça peut créer une forme de fascination. Dans le passé, j'ai vécu souvent cela en relation avec mes activités de diffusion. Je transparais avec vous. Par contre, il y a toujours un prix à payer à tout. C'est pour ça que c'est important d'être bien enraciné dans la matière et d'être malade, que ce soit attraper un virus ou attraper le rhume, ben, ça nous permet de nous reprendre contact de plein fouet avec la réalité. Parce que là, quand on mouche à répétition, là, c'est là qu'on devient très enraciné dans la matière, puis on est moins dans un état de déconnexion des réalités biologiques. Les réalités biologiques nous rattrapent. Bref, j'essaie tout le temps de tirer profit d'une compréhension d'ajustement plus grand que je peux faire de ma vie en lien avec les événements que je vais vivre. Et l'une des réalités que j'ai réalisées, ben, c'est les limites de l'état de transe. Et l'état de transe qui peut être relatif à l'expression de la parole. Pas parce que quelqu'un véhicule une vibration à travers la parole que la personne, elle n'attrapera pas de virus ou ça la fatigue pas. La fatigue, elle existe pareil. C'est juste que lorsque la personne parle vibratoirement, elle peut perdre contact momentanément avec l'état de fatigue qu'elle peut ressentir. Elle peut perdre cette notion-là, tout simplement. Mais par rapport au rhume que j'ai eu récemment, j'ai eu à mettre en action pour le régler et ça m'a amené à raffiner les moyens d'action pour faire face à ça. Donc, dans un esprit pratique, pragmatique, je peux vous parler de certaines choses que j'ai faites, que j'ai trouvées intéressantes. Vous voyez, c'est pas encore totalement résolu. Là, j'ai un petit chat dans la gorge, pour une belle expression québécoise. J'ai la gorge un peu altérée présentement. J'ai fait un petit peu des recherches là, par rapport au rhume dans l'optique de le régler rapidement. Puis il y a des choses intéressantes que j'ai trouvées. Il y a une vidéo, ça s'appelle Comment guérir du rhume en 24 heures chrono, mais 8 règles santé. Donc c'est une vidéo YouTube de Didier Jérôme. Vous allez avoir le lien web en bas de la vidéo. Il est question de plusieurs éléments à travers la vidéo que je vais vous partager. Oui, c'est sûr, la visionner après. Tu sais, il est dit lorsque, bon, il donnait des bases, là, tu sais, couramment, on va dire, ah, la personne a attrapé du foie. Mais en réalité, c'est pas le foie qu'elle attrape naturellement, là, ça va être un virus ou une bactérie. Mais lorsqu'on a foie, ce qui se passe, c'est que l'organisme priorise de donner d'énergie pour garder au chaud les organes vitaux, comme le cœur et le cerveau, plutôt que d'alimenter en énergie le système immunitaire, qui n'est pas aussi vital. Donc, on a plus de probabilité d'attraper un virus lorsqu'on a froid, car le système immunitaire est alors plus faible. Donc, Donc ça, c'est la compréhension que je tire de la vidéo là, par rapport au principe. C'est sûr que dans les températures plus froides par rapport auxquelles on se dirige, ben c'est plus propice à attraper des virus là, naturellement. Pourquoi? Ben parce que pour combattre le froid et conserver la chaleur, ben ça mobilise l'énergie de notre organisme. Mais ce qui est intéressant par rapport à la vidéo en particulier, c'est que son auteur dit qu'il ne faut pas se retenir pour tousser, cracher, éternuer. Il faut laisser le corps expulser le virus sans freiner son mouvement naturel. Si on empêche le corps de chasser le virus, il va le retenir, puis il va rester plus longtemps dans notre organisme, soit pendant plusieurs jours. Donc, de prendre des médicaments, lui ce qu'il disait, qui empêche d'éternuer, le nez coulé ou de tousser, ça irait à l'encontre de cette logique-là pour favoriser la guérison. Donc, lui ce qu'il disait, ben c'est sûr que quand il propose de tousser, cracher, éternuer abondamment, chose que j'ai faite dans l'optique de favoriser ma guérison, naturellement, c'est de ne pas le faire en public, là. Donc, de ne pas le faire lorsque du monde autour de soi. Pourquoi? Ben, pour ne pas contaminer les autres, là. Mais si vous êtes seul chez vous, dans les derniers jours, je les ai passés seul chez moi, ben, je me suis permis d'éternuer, tousser, cracher, puis de ne pas retenir le corps dans le mouvement. Et cette notion-là, quand il a parlé de ça, je suis comme rentré en vibration par rapport à ça, parce que on est conditionné socialement, on est programmé pour... c'est sûr, socialement, lorsqu'on est avec des personnes, mettre sa main devant sa... tousser dans son coude, bon, mais quand on est seul, on peut avoir le réflexe de tousser dans son coude, alors qu'on est seul, il faut utiliser le discernement. Puis en même temps, ben, si on est seul puis on tousse dans notre coude, ben on va envoyer le virus dans notre coude, fait qu'on reste en contact avec le virus, puis ça peut nous amener à nous recontaminer. Fait qu'il faut pas... Idéalement, il faut laisser... Ça revient au principe de laisser circuler l'énergie au maximum, puis ne pas interférer avec le travail naturel que va faire le corps pour se libérer du virus. Donc, c'est pas nécessairement évident pour des Occidentaux qui sont programmés beaucoup par l'intellect, dont moi-même, pour des raisons de conditionnement social. Fait que c'était rafraîchissant d'entendre son propos qui nous ramène au bon sens, c'est-à-dire écouter votre corps. Donc, il a dit d'autres choses aussi intéressantes. Bien, c'est sûr, utiliser des mouchoirs à usage unique. Puis les mettre dans un sac de plastique pour éviter le contact avec eux, éviter de les réutiliser, puis de les toucher une fois qu'ils sont contaminés pour éviter de se recontaminer de virus, puis rester avec le virus. Bon, se laver les mains fréquemment pour éviter d'infecter ou de se réinfecter, c'est sûr que ça a du bon sens aussi. Bien aérer la chambre, échanger les draps pour faire partir le virus, ainsi éviter de se réinfecter la nuit suivante, ou de ce que je comprenais. Aussi, changer les vêtements d'un jour à l'autre pour éviter d'être en contact avec les virus infectés. Ben oui, il y a des choses qui disaient qui faisaient sens. Donc, je trouvais ça intéressant. Sinon, ben, ça se rajoute aux choses que je savais déjà, c'est-à-dire comme se reposer beaucoup afin de soutenir le système immunitaire, pas faire d'activité physique ou intellectuelle trop intense, boire régulièrement de l'eau naturellement, pour que le virus puisse partir dans les sécrétions abondantes et que le corps soit bien hydraté. Éviter de se déshydrater en buvant de l'alcool. Prendre une douche avec de l'eau chaude et de respirer de l'air humidifié pour décongestionner les voies respiratoires. Rester au chaud, mais ne pas surchauffer la chambre à coucher, car c'est ce qui va assécher l'air et rendre la respiration plus difficile. D'ailleurs, à ce niveau-là, bien, c'est sûr qu'on peut utiliser un hydromètre pour voir la température de l'air, chose que j'ai faite dans les derniers jours, pour m'assurer que l'air ne soit pas trop sec, parce que l'un des pièges qui peut guetter lorsqu'on chauffe l'hiver, c'est de rendre l'air trop sec, ce qui va nuire à l'humidification là, des voies respiratoires, puis là, ça va nuire à la circulation du virus et son expulsion là, naturellement. Là. C'est sûr qu'à ce sujet... On peut utiliser un humidificateur au besoin pour s'assurer qu'il y a une quantité adéquate d'humidité. On peut utiliser aussi un Rice Sinus que j'ai fait dans les derniers jours, trois fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir, ce que j'ai utilisé. Ensuite, prendre du rince-bouche naturellement pour désinfecter la gorge, prendre la vitamine C et D, chose que j'ai faite aussi. J'ai aussi pratiqué des respirations de yoga. J'en ai fait des séries de 50 où, en ayant le corps avec le dos légèrement arrondi, le nez penché en direction du sol alors que je suis debout, je vais inspirer, expirer rapidement en faisant ça. J'en fais 50 pour favoriser l'expulsion du virus. J'en ai fait à quelques reprises. Fait que je me suis fait une liste que je partage. Là, je fais de la lecture présentement. J'ai une liste devant moi de choses. Et là, récemment, la liste s'est rajoutée en lien avec la vidéo YouTube là, que je vous ai partagée. Il y avait déjà des notes que j'avais prises en lien avec... il y a beaucoup de matériel, des conseils pour face au rhume sur le site de Passeport Santé, que je trouve très intéressant avec des spécialistes. Tu sais, je regarde ça au niveau de l'alimentation qui est déconseillée, les produits raffinés, fast-food, plats industriels, gras trans, alcool, tabac. Ben, en réalité, ce qui est déconseillé pour faire face au rhume, puis ce qui est conseillé, c'est-à-dire manger des fruits, des légumes en grande quantité à cause de leur teneur en antioxydants qui s'opposent aux radicaux libres pour renforcer le système immunitaire. Donc, il y a des questions sur la fiche de Passeport Santé. Ben, c'est du bon sens commun. En réalité, pour faire face au rhume, puis être en santé en général à l'égard de l'alimentation, c'est les mêmes règles. Tu sais, quelqu'un qui vend une saine alimentation, normalement, il évite de manger des produits qui sont raffinés, le fast-food, la nourriture rapide. C'est le même bon sens qui s'applique. Donc, j'ai eu à appliquer ça aussi. J'ai des choses comme le fromage aussi que j'ai évité. Différentes choses pour que j'ai une alimentation qui soit propice à mon rétablissement et qu'il le soit rapide, naturellement. Sinon, me suis reposé et j'ai pratiqué aussi de la méditation avec des visualisations guidées. Pour favoriser un état propice à ma santé, sur mon potentiel d'auto-guérison et la réduction du stress. Parce que si, par exemple, si par rapport au rhume, je suis stressé et mon corps sécrète du cortisol, qui est l'hormone du stress, ben, il va avoir moins d'énergie pour alimenter mon système immunitaire. Donc, si l'énergie va faire face, parce que j'aime pas le rhume, puis je suis en résistance psychologique, puis... ça me stresse, ben c'est sûr que je suis en perte d'énergie. Parce que les hormones du stress, cortisol, vont changer, dans le fond, la chimie de mon sang, diminuer le système immunitaire, les fonctions du corps n'étant pas nécessaires pour économiser de l'énergie, la mobiliser, faire face à la menace perçue. C'est sûr que le cortisol est utile pour faire face à une menace perçue réelle, comme par exemple courir par rapport à la menace d'un tigre. Mais si c'est la peur... dans le fond, par rapport à un virus qu'on attrape, qu'on a, parce qu'on écoute des bulletins de nouvelles qui nous parlent de la menace d'un virus, puis là, d'une vague, là, ainsi de suite. Donc, ça nous amène à avoir de l'anxiété, puis on surinterprète la nature de la menace, alors que ce n'est pas fondé. Bien, à ce moment-là, on va vivre du stress, puis le stress, c'est contre-productif pour retrouver la santé. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, j'ai visé à rester calme. Puis ce qui est propice à ça, j'ai écouté des enregistrements de méditation guidée. J'en ai découvert certaines que j'ai trouvées intéressantes. Je vais vous partager les liens web là, en bas de la vidéo présente. Donc, le but aujourd'hui, en fin d'enregistrement, c'était de parler un petit peu là, des moyens pour faire face... à la grippe, parce que au moment où je vous parle, on est au mois d'octobre, puis on se dirige vers la saison des grippes et des virus. Je voulais comme un peu partager mon expérience là par rapport à ça. Puis en même temps, de parler de ces choses-là à voix haute, ça favorise mon intégration là, de ces différents moyens pour faire face à des menaces de virus, dans l'optique d'être plus efficace avec le temps par rapport à ces derniers. Dans l'optique d'y faire face. Naturellement, je ne dis pas aux gens quoi faire ou quoi pas faire là, sur le plan médical, là, naturellement, n'étant pas médecin. Je laisse aux gens de faire preuve de discernement. ou consulter les médecins au besoin, là, naturellement, là, si vous avez un virus. Mais moi, je m'occupe de mes affaires, puis je m'occupe de mon intégration, parce qu'au fil du temps, ben, j'ai été confronté à plusieurs virus. Et ça, c'est une situation où ce qu'on en attrape, ça peut arriver d'une manière périodique. Fait que c'est pour ça que j'essaie, au fil du temps, d'être de plus en plus outillé pour faire face à ce type de situation avec efficacité grandissante. Et c'est sûr que pour être efficace, favoriser son système immunitaire de manière générale, ben, c'est d'avoir un mode de vie qui est sain en termes d'alimentation, en termes d'activité physique, puis de gestion de son énergie. Aussi, comme je disais tantôt, par rapport à l'état de transe, faire attention pour les gens qui l'expérimentent à travers des processus de canalisation, ce qu'on peut parler pendant plusieurs heures, là, sans aucune préparation, puis ça parle tout seul à travers soi, par rapport à des contre-coups de fatigue qui peuvent arriver par rapport à ça. Et la facture peut être extrêmement lourde. J'ai connu à un moment donné quelqu'un qui a écrit une très grande quantité de pages par rapport à du matériel qu'il canalisait. Ça a été très intense. Et par la suite, la personne s'est ramassée en dépression. Donc, c'est comme quelqu'un fait quelque chose de très, très intense, sous l'état de transe, mais à un moment donné, la personne peut se mettre à terre aussi là, en lien avec ça, donc ça prend une saine gestion. Puis de ne pas être fasciné par rapport à l'état de transe qu'on peut vivre, par rapport à l'occulte, par rapport à l'esprit, par rapport à rien. Et là, je vais boucler la boucle de l'enregistrement, parce que en réalité, comme ça a été dit au départ, ben pour, dans le fond, ne pas sombrer dans le sectarisme, la base, qui était l'objet, le sujet de base d'enregistrement, ben, c'est de ne pas être fasciné. Puis vous voyez, je vais l'appliquer aussi, à l'intégrer dans ma vie de tous les jours, puis surtout pas être fasciné par ma propre parole ou qu'est-ce que je peux dire. Et j'invite les gens à en faire autant. Donc c'est ce qui va terminer l'enregistrement d'aujourd'hui. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.